la justice, souvent condamné. Faire des allers-retours pendant beaucoup d'années. J'ai pas fait l'armée, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut nous tirer dessus pour nous désarmer. Quelqu'un de fier, je suis pas un rappeur. Tu veux savoir qui je suis, tu demandes à mon père. On sait d'où vient la haine, on n'aime pas la défaite. C'est pas mieux t'enculer qu'on fait semblant de guerre. J'en aurais jamais marre de brasser. J'irai sur Mars dès que j'ai pu le brasser. Je bourrais ce soir, j'ai fini sur la jambe. J'suis sorti les rappeurs sans faire dans leur chambre. Mon histoire, je la porte sur le dos. Mes cicatrices valent le poids de mes erreurs. J'ai baisé l'espoir en cellule le soir. J'fume et j'aspire à leur faire des horreurs. J'suis venu prendre. Prendre, rebutramer, j'ai l'ambition de vendre. À 14 ans, j'ai porté mes couilles et le tarpé, je suis rentré pour les mettre à plat ventre. Le surveillant me ramène ma côte de bête. Avant de la faire griller, je bois tout le sang. Le flic 03504, numéro d'écrou, mon cousin fait en billet de sang. Le steak sur la table, je le ramène quand avant. Je casse des gueules, pas le même temps qu'avant. J'ai tourné le dos à celui qui tout a. Je suis ramé, ouais, beau des putains. C'est vrai, je suis plus dur et plus de speed. Je suis un litre de pur, t'as un litre de speed. Je reviens chez les gros dentants. J'achète une grosse montre, j'fais un trou dans le temps. Ceux qui m'écoutent, c'est des charbonnières. Femme ou sœur de you, mais pas des grosses traits. On se comprend, la haine dans le sang. La soif de revanche, c'est ce qui nous anime. Nos parents étaient pauvres, la vie c'est dur. Comme un clope dans la bouche ou se faire dans le sud. Des enjeux énormes où l'on perd sa vie. Il faut du bif, on est unanime. Ma mère est tout le temps malade. J'fais du placard et mon père il s'est cassé le dos. J'tourne dans Paname, cherche un château. Mais pour eux, rien n'est assez beau. Des rivières de sang, n'oublie pas que les parents, nos parents ont subi la torture. Je la ressens dans mes gènes, les choses ont changé, c'est leur fils qui lave ma voiture. J'ai déjà ce qui m'attend, j'ai niqué mon destin, je suis contre eux, je suis ce jeune de cité rebelle. Je suis pas les poubelles, sale fils de pute, n'oublie pas Dieu m'aime, mais ma fille est trop belle. Je me la fais contre eux, y'a trop de bâtards.